Le Parti pour la prospérité et le progrès du Nigeria a signé le discours rond, l'historique déclaration de Pyongyang, défendons et faisons progresser la cause socialiste. Mandaté par la direction du parti, le président national a signé la déclaration. Il a souligné, avec la signature de l'historique déclaration de Pyongyang, le Parti pour la prospérité et le progrès du Nigeria s'est placé au rang des partis progressistes du monde, militant pour la justice sociale et la démocratie et contre l'impérialisme. Sous la bannière de la déclaration, notre parti renforcera la solidarité avec les autres partis progressistes du monde.